J'attends Qui brûle l'herbe la méchute, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. Si enfants, près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve France laisse, a dit le Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier?

que tu augmentes, ô Seigneur, tes forces, afin que nous puissions tenir, ô Seigneur, contre les ruines, afin que nous puissions tenir ferme, contre toute forme de tentation, afin que nous puissions tenir ferme, ô Dieu, contre toute forme de péché, Seigneur. Père, nous te supplions, ô Dieu, Seigneur, accorde cette grâce à mon frère et à ma soeur. Nous te supplions, Seigneur, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence, Père, te revienne dans le précieux du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère. Amen. Frère, la Bible nous dit de veiller car notre et d'être sauve parce que notre adversaire le diable rôde comme un lion qui s'enchaîne toute une forêt. Et il nous dit de lui résister avec une foi ferme. Frère, je ne sais pas jusqu'à combien de fois tu nous dis la parole de Dieu jour et nuit. Mais bien aimé, pour pouvoir résister au diable avec une foi ferme, il nous faut la révélation de la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la révélation de sa parole en tout temps. Amen. Afin que nous puissions résister au diable et résister à toutes ces tentations. Nous sommes en prière. Père, tu as dit que la révélation de ta parole est claire et apporte l'intelligence au Seigneur. Seigneur, nous t'avons moment pour Dieu. Les difficultés, parfois, Seigneur, nous nous attachons, ô Seigneur, à nos propres pensées et nous nous attachons le plus souvent, Père. Ô Dieu, à ce qui nous inspire notre passé. Seigneur, nous oublions le plus souvent qu'il faut nous faire confiance, qu'il faut nous appuyer sur ta parole, ô Seigneur. Lorsque nous faisons face aux tentations, lorsque nous faisons face, ô Seigneur, toute forme de ruse et de ruse. Seigneur, en ce moment, nous sommes là devant toi, nous sommes là, afin que tu puisses toujours nous accorder la révélation de ta parole, en tout temps, dans toutes circonstances, afin que nous puissions, ô Dieu, toujours résister au malheur, afin que nous puissions résister avec une foi ferme, Père. Seigneur, nous prions, ô Dieu, afin que tu sois même si tu enlever au pied de nos cœurs tout ce qui nous empêche, ô Dieu, de marcher dans la réalisation de ta parole, Seigneur. Père, nous te supplions de nous enfin de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions, ô Dieu, afin que tu nous donnes de pouvoir saisir, la révélation de ta parole, ô Dieu, afin que tu nous donnes de pouvoir comprendre, Père, afin de marcher, ô Dieu, et ma vie de Dieu, Seigneur, tu es souvent, ô Dieu. Tu ne peux pas avoir des états de l'église devant les doigts. Ô Seigneur, si nous marchons selon la vanité de nos pensées, Père, nous ne pouvons pas avoir des regards donnés qui nous demandent des droits dans les tentations de les difficultés. Si nous marchons selon, ô Seigneur, la vanité que nous produisons nos pensées, Père, nous faisons appel à toi, ô Dieu de grâce, afin que tu puisses, ô Seigneur, porter tout l'obstacle, ô Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous empêche de saisir, faire la révélation de ta parole, qui nous empêche, ô Dieu, de marcher dans cette révélation, afin que nous puissions être à mesure, ô Dieu, de marcher la tête de au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au pouvoir de nos yeux, et donne-nous de saisir le sens, ô Dieu, de ta révélation. Donne-nous de comprendre, Père, le sens de ta création, ô Dieu, qui veille de soutenir. Amen. terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous serez bon à moi, mon Dieu. Toi, le Dieu fidèle, juste, bon Dieu, de tout Dieu, toujours au Seigneur, vous serez bon à moi, et tout cela, nous vont se déplacer aux yeux. Nous allons parler à ce Seigneur, Seigneur. Ils vont parler au Seigneur, Nous prions, Dieu, afin que tu établisses ta main de protection, ta main de grâce, sur tous ces personnes de voyage, que tu leur accordes, oh Dieu, Seigneur, ta protection, Père. Que tu leur accordes la protection, oh Dieu. Père, accorde-nous ta protection, oh Dieu. Et donne que tout se déroule, oh Seigneur, selon que tu as prié d'avance, Père. Seigneur, merci de toi de prendre la vente, oh Dieu. Merci de nous débarrasser, Père, de ton programme, oh Seigneur, afin que tout soit fait selon ta volonté, au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te louons, nous t'adorons, parce que toi, tu nous soutiens, nous nous effectuons, nous écoutons, oh Seigneur, notre que nous te demandons, Père, que tu nous écoutes, Père, que tu as donc de ta gloire, nous te louons. Merci, nous exaucer, Père, Dieu. Amen. Père, nous voulons être, ô Dieu, cette bonne terre sur laquelle la semence est tombée et qui a produit du fruit en abondance. Seigneur, nous te supplions, ô Dieu, Père, doter de nos vies et de tout ce qui nous empêche, ô Dieu, de marcher dans la présence de ta volonté, tout ce qui nous empêche, ô Dieu, et tout ce qui a tendance à nous éloigner de ta volonté, Père. Autre cela, Seigneur, nous supplions pour nous dire. Seigneur, nous t'en supplions. Oh Dieu, accorde-nous la capacité, Père. La capacité, Père. La capacité, oh Dieu, d'accepter, d'accomplir ta volonté, Seigneur. Père, la capacité, oh Dieu, d'accepter, d'aimer ta volonté afin de l'accomplir, Seigneur. Père, nous te supplions, oh Dieu. Seigneur, enlève dans nos cœurs, oh Seigneur, tout forme, Père, tout forme, oh Dieu, de distraction. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu. Seigneur, accorde-nous, oh Dieu. Accorde-nous, oh Seigneur, d'avoir des cœurs qui obéissent, des cœurs soumis à ta volonté, des cœurs soumis à ta volonté, des cœurs qui obéissent, oh Dieu, à ta volonté, ça a résonné, Père. Des cœurs qui obéissent, oh Dieu, à ta volonté, Seigneur. Père, nous te supplions, Père, nous te supplions, oh Dieu. Père, prions que le Seigneur lui-même nous donne ce père de besoin, ce père d'accepter son besoin à lui. Afin que lorsque quelques tribulations, quelques afflictions viendront à nous, que nous soyons toujours disposés à le glorifier dans cette souffrance. Afin que la patience à nous tous sa patience en nous puisse demeurer étroite et porter des trucs comme celle du Job. Nous devons l'avoir écrit. Nous pouvons lui même donner cette force de pouvoir avoir sa pensée et de comprendre ses dessins pour mieux agir au moment opportun en respectant ce commandement. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te supplie, ô Dieu, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, la grâce pour Seigneur, de nous accorder la grâce, Seigneur, ô Dieu, d'accepter ton jugement, ô Père, d'accepter, ô Dieu, ton jugement, Seigneur. Seigneur, tu nous dis de regarder, ô Dieu, de prendre comme un sujet de jour. Seigneur, nous te supplions, ô Dieu, et nous accordons, ô Seigneur, d'accepter, Père, de chair, ton gouvernement, Seigneur. Nous allons accepter, ô Dieu, le changement, Seigneur, ô Dieu, Père, afin que la complice parfaitement, afin que la passe à accomplisse parfaitement son œuvre, ô Dieu, Seigneur, nous te supplions, ô Dieu, toi qui es le potier, et nous sommes de l'âge, Seigneur. Ô Dieu, donne ta forme, Père, s'il te plaît, afin que nous puissions, Seigneur, être ce que tu as du désir que nous soyons, ô Dieu. Père, donne-nous cette forme, s'il te plaît, Seigneur, afin que nous puissions, ô Dieu, être des instruments utiles à ton œuvre, Père. Afin que nous puissions être des instruments, ô Dieu, des phases de l'honneur, Père, utiles à toi, Seigneur. Père, nous te supplions, ô Dieu. Ceux-là qui ne désirent plus les mots pour bloquer, mais ceux-là qui désirent à bloquer, Seigneur. Père, accorde-nous cette grâce, ô Dieu. Accorde-nous la grâce, Père, de mourir, ô Seigneur, à nos propres intérêts, Père, afin que Dieu puisse vivre pleinement, ô Dieu, à nous. Seigneur, accorde-nous la grâce, ô Dieu, de mourir à nos propres intérêts, Père, afin que, Seigneur, ta vie puisse se manifester pleinement en nous, ô Dieu. Seigneur, nous te supplions, ô Père, accorde-nous cette grâce, Père, au nom de Jésus qui est dans la vie. Amen. Amen. Amen. Père, demandons au Seigneur de nous donner ce cœur d'amour, afin que son amour qu'il a pour nous, nous puissions le refléter sur nos semblables. Qu'il soit païen ou chrétien, sur tout homme qui a l'image de notre Dieu, que nous servons et que nous adorons dans nos têtes, que nous puissions vraiment répéter cet amour à notre semblable, car il dit lui-même, si vous-même vous gardez mes commandements, il aimez votre prochain comme je vous aime. Prions, Père, pour son accomplissement dans nos têtes. Ô Seigneur Jésus, Père, nous continuons à venir de la voix, ô Dieu, ton amour, Père. Présentons-nous digitalement devant nous, Seigneur. Présentons nos pieds devant toi, ô Dieu. Nous prions, Père, toi qui nous as donné déjà, ô Seigneur. Que tu as créé par tout le monde, Père. Seigneur, ô Dieu, nous voulons voir la manifestation de cet amour, ô Seigneur. Père, je vous ai dit, ô Dieu, et le cœur de notre prochain, que notre vie, des soirs, des témoignages, Père, de cet amour, ô Seigneur, pour le moment, que tu es venu et que tu as manifesté. Père, que notre vie, ô Dieu, soit le témoignage par lequel ton amour se rejoint. Seigneur, accorde-nous, ô Dieu, afin que toi-même tu puisses par ton amour régner à nous, ô Dieu, afin d'avoir pu donner, Seigneur, Père, nous te supplions, que ton amour grandisse, que ton amour croisse, ô Dieu, ton amour croisse en nous, ô Dieu, que ton amour croisse tout en nous, afin que nous puissions, ô Dieu, aimer véritablement, afin que tu solution pour Dieu crée du péché. Un amour sincère, ça nous dit beaucoup. Regardez les yeux pour Dieu. Afin que nous puissions considérer tout ça comme un homme. Afin que nous puissions considérer au Dieu qui voit ce projet comme un homme. Seigneur, tu as dit que nous devons débattre la gloire et la nourriture de mon Dieu. Donc, de manière que la paix de l'homme aussi de l'homme nous accorde cette grâce. Je te remplis davantage de paix, ô Dieu, et ton amour. Afin que nous puissions vivre, Seigneur, la vie, ô Seigneur, des chrétiens. Remplis davantage de paix, ton amour, ô Seigneur, en tout temps. Afin que nous puissions toujours marcher dans ta volonté. Amour est dans la tradition de la chute. Que nous devons vivre dans la loi et que nous formons au Dieu de l'amour. Et que l'amour se prenne au Dieu de notre vie. Et que l'amour se prenne au Dieu de notre vie. Et que l'amour se prenne au Dieu de notre vie. Et que l'amour se prenne au Dieu de notre vie. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et quoi que c'est un ouf de soulagement pour les frères là qui ne sont pas habitués à s'agenouiller. C'est ça non? Il dit ouf. Les gens ils disent trop. Hein, frère Amand? C'est ça. Frère Amand, quel surprise. Ouf, que ça finisse rapidement. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que aucun téléphone n'est allumé pour que ça dérange pour qu'on travaille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a-t-il des questions? Ce n'est pas des questions. On ouvre la Bible, on nous laisse. Que le Seigneur dirige, là, il va nous diriger encore ce soir. J'ai une préoccupation. Oui. En étudiant la parole, j'ai rencontré ceci. La parole déclare, nous ne devons pas découvrir la nudité de nos parents. Oui. Bon, je prends maintenant le cas où nos parents ils prennent de l'âge. Oui. Nous prenons même pas le cas de maladie. Oui. Ils prennent de l'âge. Oui. Au point où ils ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes. Oui. C'est à nous maintenant de prendre la relève. Que ferions-nous en ce moment? On va rentrer à Bali, d'accord? Mmh. Autre question? Oui, tu as une question ici. Oui. Étant donné qu'il n'y a pas de vraie faux serviteur, mais on peut dire que Balaam, qui a suivi, comme la Bible le dit, il est honteux. Oui. Oui. Mais on peut dire que le fait qu'il soit compromis comme ça, il n'est pas discrédité devant le Seigneur. Parce que c'est un prophète de l'Éternel. Oui. Mais tu sais que c'est un prophète de Dieu, non? Oui. Oui, quel est le problème? Il ne sait pas. Bien qu'il ait suivi un mauvais chemin. Oui. Qu'il soit compromis. Oui. Il n'en demeure pas moins. Il est prophète de Dieu. Oui. Oui. Quel est le problème? Le problème, c'est que. Que comment un prophète de Dieu. Comment un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu qui se corrompt la sorte. Ok. Autre question? Oui, frère. Oui. Dans Colossiens chapitre 1, on dit bénissez le Seigneur de ce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres, il vous a transporté dans le royaume de son Fils. Mm-hmm. Je veux savoir, lorsque, par exemple, on délivre un frère ou une sœur, oui. Je veux savoir qu'est-ce qu'il s'agit de cette délivrance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le livre, ce même livre de Colossiens, là, la Bible explique qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres pour transporter dans le royaume de son Fils, n'est-ce pas? Ça, c'est le royaume de la lumière. Ça veut dire qu'il nous a fait passer sous la puissance. On n'est plus dominé par la puissance satanique.

et tes fils avec toi lorsque vous entrerez dans la tente de peur que vous n'ayez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Qu'est-ce que ce passage signifie? Jusqu'à ce que Dieu veuille tuer quelqu'un à cause du fait qu'il boive le vin ou de boisson enivrant en arrivant à la tente de destination. Donc, il montre que le vin est comment? Mauvais. Hein? Mauvais. Pour qui? C'est attends. N'est-ce pas, tout à l'heure, nous avons lu dans Deutéronome chapitre 14 que quand ils boivent, ils boivent ça. Mm-hmm. Je recommence. Ce vin, c'est les cœurs forts, c'est mauvais pour qui? Mais si c'est pour ils boivent volontiers, puisque le même verset là veut signifier que quand ils ne sont pas dans la transaction, ils peuvent boire. Mm-hmm. Il recommence encore, gardez bien la question. C'est mauvais pour qui voit ça comme mauvais? C'est Dieu. Il va encore relire ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. C'est mauvais pour qui? Dans les salvateurs qui ont interdit ça ici. Qui a en train d'interdire? Donc pour lui c'est comment? Comment on lit la Bible devant vous? Vous titubez. N'est-ce pas lui qui a écrit ça? Amen. Qui a ordonné dans Deutéronome 14, verset 22 là et suivant? C'est Dieu. Ok. Dans ces cas, comment se fait-il qu'il interdit ça ici à une catégorie de personnes lorsqu'on vient à sa présence? Parce que ceux-là sont sanctifiés. Ceux-là sont sanctifiés. Qu'est-ce qu'il veut dire là par là? Parce que s'il interdit l'alcool pour eux dans une certaine façon d'agir, qu'est-ce que ça veut dire que l'alcool est comment devant lui? L'abomination. Continuons, regardez bien, verset 10. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est un saint et ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Qu'est-ce qu'il veut par là, dit Dieu? Que l'alcool est profane. Que l'alcool est impur et profane. Vous commencez à comprendre le plan de Dieu. C'est pour ça qu'après avoir discuté, comme les gens discutaient, il faut entrer dans la pensée de Dieu. Après, on va dire les choses comme elles sont, il faut entrer dans la pensée de Dieu. Donc, il dit, le sacrificateur, lui, il ne doit pas prendre cela dans sa présence comme ça. Si tu prends ça, tu vas mourir. Clairement, tu vas mourir. Donc, il peut tuer à cause du fait que tu aies la croix sur toi. C'est ça, frère? Amen. Non, ce n'est pas un péché. Boire un peu, il ne faut pas seulement enivrer. Il dit que tu ne dois pas boire. C'est pas ça, frère? Amen. Ça, c'est le sacrificateur. Mais aux autres, il en a donné, pas vrai? Amen. Maintenant, je pose la question. Le sacrificateur ne devait pas boire à quel moment? Quand il entre dans la tente d'assignation, il doit avoir infiniment, il ne faut pas qu'il ait la croix en lui. Ce verset signifie que quand il sortait de la tente d'assignation, si tant qu'il ne vient pas là-bas, il peut. Voilà. C'est vrai que l'alcool, ce n'est pas dans ta présence qu'il pose sur le c'est dans la présence de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans, c'est ce que la Bible nous enseigne, non? Amen. Maintenant, dites-nous, là où ce lieu saint là se trouve. Dans nos cœurs. Okay. Où ça fleur? Okay. Votre corps est le temple. Saint-Esprit. Vous devez tirer les conclusions qui en demeure. Amen. Vous devez tirer les conclusions qui en demeure. Amen. Ça va, frère? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes trop fort. Il y a encore autre question encore. Mm-hmm. S'il veut qu'on ne perd pas le salut, c'est pas. Oui. Comme tu pensais qu'on perdait. Non. Comment se fait-il que le Seigneur dit qu'il va effacer les noms de son livre dans Genèse 32? Mais il a dit ceux qui vont pécher contre lui. Ceux qui vont pécher contre lui. Oui, parce qu'ils sont destinés à pécher. Ceux qui sont destinés à pécher, mais il y a quand même autour de nous. Oui. Pour que vous êtes chargé de pécher plus tard pour que je vous efface. Ok. Les noms sont écrits à quel moment? Depuis avant la fondation du monde. Donc avant qu'il y ait la population sur la terre. Okay. Donc ton nom est écrit quelque part avant que ton père ne donne que ce nom-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Si ton nom n'est pas là, ça veut dire que Dieu, avant de compter sa généalogie, il t'avait oublié, non? Donc tu es figurant sur la, sur la terre. C'est pas ça, frère? C'est ça. Si on se fâche maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Romains chapitre 9. Parce que les vérités que les gens ne veulent pas entendre de la parole, ils ne veulent pas entendre du tout. Mais c'est quand même là. Amen. Tant que vous voulez la vérité, que vous allez dans la Bible, c'est ce que vous allez rencontrer dans la Bible ici. Amen.

Je vais mettre un pont clair sur ça. Oui. Et c'est sûr que les gens diront que ce garçon c'est au bureau. C'est mal. Maintenant, nous ne pouvons pas donner aux autres parce que nous, nous savons que c'est la destruction du corps. Maintenant, quelqu'un dit, bon, comme tu me donnes, pardonne-moi le jeu. Toi-même, encore, tu sais encore que le jeu, encore, c'est encore terrible. Oui. On t'a ça de toutes parts. Je ne veux pas encore donner le jeu. Je veux savoir maintenant comment le fuir directement. Alors, bon, on doit aussi le dire une fois la même chose, que même ça, ça va plus d'argent. Laisse-toi conduire comme tu avais été conduit, comme tu étais conduit. Laisse-toi conduire pour le Saint-Esprit et tu subis ce que tu dois subir. C'est quoi, frère? Autre question concernant le vin. C'est terminé. Si un parent ou bien quelqu'un t'envoie de la chose, vin pour lui. Si, monsieur, comme tu poses la question pour moi, moi je n'aime pas. Parce que si un parent t'envoie, c'est pas aujourd'hui qu'il est commencé. Pardon, frère. Tu m'as posé la question pour moi, non? Je pose ta question. Si un parent t'envoie. M'envoie, non? Son enfant, par exemple, parce que tu as dit m'envoie, moi je donne ma position. D'accord? La Bible est claire dans ses Romains, Marc, Matthieu, chapitre 7, verset 13. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on fasse. Ou mieux encore, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse. Dans tous les sens, ça veut dire la même chose. Je ne mérite pas qu'on me donne l'alcool. Je ne donne pas aussi à quel. Ça, c'est la loi. Pas vrai, frère. Amen. Fais à autrui ce que tu voudras qu'on. Est-ce que la commission s'est donnée? Non, non, j'arrive. Je ne peux pas envoyer quelqu'un acheter là. Il n'en sait pas aussi comment. Amen. Hein, frère? Comment tu gardes la tête encore? D'accord. Des questions? Oui, frère. Ma question que j'ai posée tout à l'heure. Il arrive pour la méditer. Oui. Lorsque Dieu a créé tous les animaux, là, il a amené les animaux devant Adam pour qu'Adam leur donne un nom. Bon, c'était mâle et femelle. Bon, maintenant, dans Genèse chapitre 3, on dit le serpent a séduit Ève. Et après, Dieu a changé la nature de ce serpent-là. Bon. Et. Qu'en est-il pour sa femme, pour la femelle du serpent, puisque elle. Puisque si cette race s'est répandue, s'est développée jusqu'à aujourd'hui, bon, la femelle du serpent, comme ce n'est pas elle qui a séduit, je veux savoir si elle est restée comme elle était, ou bien. C'est grave sur lui, hein. Je pose une question. Regardez bien la question que je vais poser maintenant, doucement, d'accord? Vous êtes allé au champ, n'est-ce pas? Qui parmi vous a cultivé au champ? Vous savez, il y a des stèles et des herbes au champ. Quand vous passez, ça vous touche, ça démange. Vous pensez que c'était au commencement? C'était là. Il mieux que vous me répondez. Si vous ne répondez pas, moi j'avance. C'était au commencement. C'était là. Mais si ça grattait les gens? Non. Répondez-moi simplement. On ne connaît pas. Non. Tu ne connais pas comment, tu n'es pas au commencement comment. Il y a des principes que vous voulez savoir. À partir de ces principes, vous n'avez pas besoin d'être là. Il y a des principes que en sache. Si vous connaissez ces principes, vous pouvez savoir oui ou non. Il y a des herbes, donc vous allez au champ, ça vous touche, ça démange. N'est-ce pas? Ou mieux comme la chenille, il y a des chenilles que ça vous touche, ça démange, ça gonfle, n'est-ce pas? C'était au commencement. Oui. Donc ça pouvait démanger quelqu'un au commencement. Oui. Créer des problèmes. Oui. Au commencement. Non, au commencement. Vous avez vu la rose, les roses, les fleurs de rose, là, encore la rose. Vous savez qu'il y a piton à côté. Ces pitons là, il y avait au commencement. Non. Ça sort d'où? Ou mieux encore, le moustique qu'on voit au-delà. Il y avait ça au commencement. Non, oui. Le moustique. Oui. Il y avait le moustique au commencement. Il dit qu'il n'y aurait pas toutes ces choses au commencement, puisque à la création du monde, il n'y avait que. Adam et Ève ne connaissaient ni le mal ni le bien. Donc, on ne pouvait pas distinguer si. Bon, quel est le nom moustique? Moi, je me dis, c'est après, justement. Donc, après, quand il y a eu péché. Après que Dieu ait nettoyé la terre. À quel moment ça? Après le déluge. Après le déluge. Il a encore créé le moustique alors. Il y a tout. Le moustique que nous voyons aujourd'hui. Nous convenons que. S'il y a un lion, il y a une lionne et un lion dès le départ, non, qui sont reproduits pour avoir ceci, n'est-ce pas? Donc il y a un moustique et une marin moustique. C'est ça, non, frère? Un moustique, une moustique. Et puis ça produit les moustiques que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Les deux premiers moustiques du départ, est-ce qu'ils piquaient les gens? Non. Manger quoi, frère?